sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez La Dernière Porte à Gauche. Hey, salut, bonsoir, bienvenue à La Dernière Porte à Gauche. Bonjour, où vous soyez, peu importe l'heure qu'il est. C'est Mathieu Plante qui vous accompagne ce soir à La Dernière Porte à Gauche parce que Kiwan est parti voir un spectacle de Ruby Coast et Winter Gloves à Montréal ce soir, vendredi 13 février à 20h au Les Saints. Oui, je sais qu'il aime ça, les saints. Donc, c'est moi qui vais vous tenir compagnie avec un petit peu de musique francophone, la musique émergente francophone, parce que c'est ce que Kiwan connaît. Je connais quand même un petit peu ça, fait que je vais essayer de faire ça pas si pire. Hein? C'est pas pire. Tantôt, on va avoir du Charlottetown et du Cut Off Your Hands. Oui, c'est bien en français. On va entendre aussi sûrement du Winter Gloves d'ici la fin, mais on commence assez relax avec le nouvel album Labyrinthe de Malajube. C'est absolument inévitable, il faut en passer. Une pièce que tout le monde semble adorer, et je l'aime aussi. Voici les Colamboles à La Dernière Porte à Gauche au C'est Fou 89.1 FM. Bonne émission. Yeah. crois plus. Enfin quelque chose à faire aujourd'hui. Assécher les larmes de ceux qui ne rient plus. Enfin quelque chose à faire aujourd'hui. Aujourd'hui tu m'aimais. Enfin quelque chose. Hey, je m'excuse, mais colombole que c'est bon. Antoine Graton avec 500 000 milles derrière la dernière porte à gauche. Ça vient de son tout nouvel album, Le Problème avec Antoine, qui sort le 17 février. Et là, j'ai vraiment de plus en plus hâte parce que j'adore ce qu'Antoine Graton fait. C'est vraiment très, très bon. Allez voir myspace.com/AntoineGraton ou encore antoinegraton.com. C'est un homme magnifique. Donc, juste avant ça, c'était l'Indis qui vient de Montréal. Eux, ils vont être en spectacle le 20 février à 21h au Quai des Brumes avec notre ami Antoine Corriveau, ami de C'est fou. Eux, allez voir myspace.com/l'Indis, ça vient de leur album Concept le jour après Noël. Au début du bloc, c'était Malajube avec Colombole et eux, ben, ils n'ont pas de spectacle à Trois-Rivières, mais ils sont partout, évidemment, parce que leur album Labyrinthe vient tout juste de sortir le 10 février. Donc, ils sont en spectacle. Regardons le 17 au La Tulipe, le 18 aussi. Le 20, ils vont être au Théâtre du Petit Champlain de Québec. Ensuite, ils passent par Sherbrooke, Drummondville, Dolbeau, Chicoutimi, et tout sauf Trois-Rivières, finalement. Allez voir malajube.com. Dans le prochain bloc, il va y avoir des nouveautés. Hein? Des choses vraiment très, très nouvelles. Ben, pas que c'était pas nouveau, ce qui vient de jouer là, mais des affaires qu'on vient juste de recevoir, là, qui ont à peine joué assez fou. On va entendre un doublé de Chinatown, avec entre autres leur nouveau simple « Apprendre à danser », mais on commence avec la formation « Color of Your Hands ». Voici la version française de « Still Fun », tout de suite derrière la dernière porte à gauche. Et vindicative, et je ne comprends pas

Un doublé de Chinatown, c'est la pièce Pénélope, précédée de Apprendre à danser, leur nouveau simple ici à la dernière porte à gauche. Chinatown, comme il le disait dans la chanson, si bien, de façon si éloquente, il me semble que c'est un petit peu plus pop que c'était dans ce qu'on a entendu des pièces des palmarès de Chinatown récemment. Mais bon, c'est bon, pareil, leur premier album sort en mai et c'est du pop-rock montréalais. Allez voir myspace.com/chinatownfranco ou encore chinatownmusic.com. Avant ça, c'était Cut Off Your Hands, groupe de power pop punk de Nouvelle-Zélande. Allez voir myspace.com/cut off your hands. C'était la version française de Still Fond. Voilà. Au retour de la pause, à la dernière porte à gauche, on va entendre du Jésus Bench 400 livres, du Royal Arch et Grégory Artist of the Year. Vous êtes à la dernière porte à gauche avec Mathieu Plante, à C'est Fou 89.1 FM. Et ça, ben, devinez quoi? C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Oui, sexy. Vous avez toujours le nez derrière la dernière porte à gauche avec Mathieu Plante en remplacement de Kiwan Rajkovchinski qui est parti voir le chanceux Winter Gloves et Ruby Coast à Montréal ce soir, vendredi 13 février. Ah, qu'il a de la chance, cet homme, d'avoir quelqu'un comme moi pour le remplacer. Bon, dans le prochain bloc, il va y avoir du Égrégor et du Royal Arch, mais on commence avec Jésus Bench 400 livres. Voici Anana à la dernière porte à gauche. Ah, c'est fou, 89.5. Égrégore avec une très bonne pièce qui s'appelle « Lettre à mes parents adoptifs ». C'est la première, c'est celle qui ouvre son album « L'amour à perpétuité ». Égrégore qui a un tout nouvel album et qui vient de Montréal. Il y a eu un lancement le 11 février dernier. Juste avant, c'était la formation française Royal Arch. On a entendu la pièce « À genoux ». Ça vient de leur maxi du même nom. Royal Arch, en fait. Et on a débuté avec Jésus Bench 400 livres et leur pièce « Anana » de leur maxi. Allez voir Jésus Bench 400 livres sur MySpace ou passer par le site de l'émission au www.unechance.com, site de mes émissions parce que je remplace Kiwan, puis c'est tellement plus fun que faire les palmarès, c'est pas vrai. Alors, on va terminer avec un dernier petit bloc. Là, il va y avoir de l'excellente musique là-dedans, je dirais. Orange Orange va débuter ça avec une pièce que j'espère entendre dans les palmarès un jour. Voici Et je pleure à la dernière porte à gauche. Et je pleure. Contre le nez, et je pleure. Puis je pense aux enfants du tiers-monde, et je pleure. Qui vont naître contre leur gré, et je pleure. J'imagine une fleur sur la tombe, et je pleure. D'un soldat qu'on a égaré, et je pleure. Sous les cadavres et les décombres, et je pleure. De tout mon cœur, et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager. Et je pleure pour l'humanité. Et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure, et je pleure. Et je pleure. Et je pleure. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Keep my

souhaite en bas. Yeah. Oh, un bon gros bloc de 4 pièces à la dernière porte à gauche. On a commencé avec la formation Orange Orange. La pièce s'appelle Et je pleure. C'est un groupe montréalais. Ils vont être le 13 mars à 21h avec Paisley à la Maison de la Culture de Montréal. Ensuite, on a entendu une pièce du Maxi Glauque, volume 1 de Artist of the Year. C'était instrumental. D'habitude, Artist of the Year, on les connaît pour leurs chansons très, très enjouées, genre Party, pas mal. Ça, c'est un mini-album qui a été enregistré en 2006, juste avant Wreck la discothèque. Un de leurs très beaux albums. Et bon. Quand même, ça compte comme commentaire. Allez voir Cheesy Sounds avec des z.com/glauque volume 1 pour télécharger gratuitement ce mini-album. Et puis, amusez-vous avec ça. Ensuite, il y a eu Lucien Midnight. On a entendu Major Tom qui a quitté le palmarès francophone très, très récemment. Je crois que c'est la semaine dernière. C'est un groupe montréalais. Allez voir myspace.com/LucienMidnight2. Et on vient d'entendre les Hand Claps avec Cacti Our Delicious Fruit. Ça, c'est un accent bidon de je sais pas trop où. Allez voir myspace.com/handclap au pluriel ou encore handclap.com. C'est très, très bon. C'est très pop. Je sais pas. J'aime ça. C'est presque la fin de la dernière porte à gauche. Ça va être les Lutins de l'Enfer qui vont suivre à partir de 21h le vendredi soir. Kiwan va être de retour la semaine prochaine parce qu'il est au spectacle de Winter Gloves et Ruby Coast à Montréal. Ça se passe au Les Saints. Ça dit tellement de choses sur lui, ça. À la semaine prochaine, de sa part et de ma part aussi, moi, je vous revois à plein d'émissions, le CNX, le poste d'écoute et les palmarès, c'est fou. C'était la dernière porte à gauche. On se quitte sur Winter Gloves. Voici Party People, parce que Kiwan, c'est un gars de party, c'est un party animal. Ça paraît pas en le regardant, hein? Il a l'air vraiment plate, là. Hey, bonne semaine, là. Bye-bye. Sweet echo.